Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une comédie américaine. Photographe spécialiste des célébrités, Connor Meade est un célibataire fêtard qui jongle sans aucun scrupule avec ses nombreuses conquêtes féminines. Cynique absolu, il parvient même à saper la répétition du mariage de son frère Paul. Étrangement, seule Ginny, une de ses amies d'enfance, semble résister à son talent dévastateur. Bonjour Connor, Versace sur la une. Ok, Kiki, Nadia, Charlize, ça ne peut plus durer entre nous. Tu vas quand même pas me larguer en visioconférence. Si tu fais quoi que ce soit qui nuise à son mariage, j'irai dans ta chambre la nuit pour sectionner ton appendice préféré. La première partie me plaisait bien. Je suis venu te prévenir, petit. Cette nuit, tu vas recevoir la visite de trois fantômes. Oncle Wayne, tu es mort. Quoi qu'il t'arrive cette nuit, sache que c'est pour ton bien. Alors ça me plaît bien. Salut Connor. Ah, qui êtes-vous? Je suis le fantôme de toutes tes ex. Oh, ça chatouille un peu. Je vais t'emmener voir toutes tes anciennes conquêtes. On est sortis ensemble 2 jours. Moi, 1 heure. Moi, 48 secondes. Oh mon Dieu, c'est Jenny. Salut. Admire le travail. Si on sortait et qu'on allait dîner, qu'est-ce que tu en dis? On va te boutonner un peu. On dirait une folle chez les pirates. Si vous pouviez revivre votre passé, si vous pouviez changer l'avenir. Matthew McConaughey, Jennifer Garner et Michael Douglas. Hanté par ses ex. Un DVD métropolitain.